troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des assemblées dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, comment les colons américains de la couronne britannique ont-ils inventé au XVIIIe siècle les institutions parlementaires d'une nouvelle nation qui s'appelait les États-Unis ? Après vous avoir parlé lundi de l'ecclésia athénienne du 5e siècle avant notre ère, puis hier des réunions et des assemblées médiévales, et avant demain de nous intéresser aux assemblées supranationales que fut par exemple la SDN ou que sont encore aujourd'hui l'OIT ou l'ONU, nous allons maintenant plonger dans le 18e siècle en nous demandant comment les colons américains ont alors pensé leur nouveau système politique et parlementaire. Nous le ferons grâce à des textes qui seront lus pour nous par Lison Pinet et commentés par trois historiennes, Élise Marianne Strass, elle est professeure émérite d'histoire américaine à l'Université de Paris Diderot. Elle a publié un livre fondamental sur cette question qui s'intitulait « Nous le peuple » dans la Bibliothèque des Histoires, les origines du nationalisme américain. Et également, c'était en 2005 avec Naomi Wolf, les révoltes et révolutions en Amérique. Marie-Jeanne Rossignol sera également avec nous. Elle est professeure d'études américaines à Paris Diderot et co-organisatrice du congrès annuel à l'occasion des 50 ans de l'Association française d'études américaines. Ce congrès se tient jusqu'à vendredi soir à Strasbourg, ce qui explique qu'elles deux sont encore à Strasbourg dans les studios de Radio France qui les accueillent. Et puis avec nous à Paris, Iris de Roth qui vient tout juste de revenir de Strasbourg où elle était hier. Elle est doctorante en civilisation américaine à l'université de Paris 8 sous la direction de Bertrand Van Rienbeek et elle travaille sur François-Jean de Châtelus et qui était major général de l'armée française sous les ordres de Rochambeau pendant la Révolution américaine et philosophe des Lumières. Bonjour à toutes ce matin et plus particulièrement à vous que je ne vois pas puisque vous êtes en duplex avec nous depuis Strasbourg. Élise Marianne Strass, bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous Marie-Jeanne Rossignol qui est aussi dans le même studio de Strasbourg qu'Élise Marianne Strass, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous et vous resterez pendant la première moitié de cette émission avec nous à l'occasion d'un congrès, un congrès qui n'est pas n'importe quel congrès puisque c'est le 50e anniversaire de l'Association française d'études américaines. Et toutes les trois, vous avez participé de près ou de loin à ce congrès. Vous y êtes encore, vous deux, donc Élise Marianne Strass et Marie-Jeanne Rossignol. Et Iris de Roth, je le disais, y était hier dans une catégorie de doctorale. Donc, elle a présenté en un petit quart d'heure sa thèse dont elle va nous parler dans la deuxième partie de cette émission. Marie-Jeanne Rossignol, qu'est-ce que cette Association française d'études américaines et surtout pourquoi avoir choisi pour thème cette année, pour ce 50e anniversaire, la recherche du bonheur qui est effectivement au cœur de notre sujet puisque cela appartient à ces terminologies du 18e siècle qui sont encore en cours aujourd'hui dans la tête de beaucoup d'Américaines et d'Américains. Je commencerai par répondre à la deuxième partie de la question. Pourquoi avoir choisi la recherche du bonheur? Eh bien, c'est une idée de la présidente de l'association, Nathalie Caron, qui est 18e-iste, spécialiste au moment de sa thèse, en tout cas, de la Révolution américaine, puisqu'elle a écrit sa thèse sur Thomas Paine, un des pamphlétaires reconnus de l'époque. L'association, depuis ses origines, contient un certain nombre d'historiens et en particulier de spécialistes de la jeune Amérique, de la jeune République américaine et de la période de la Révolution, dont Élise Marianne Strass qui est avec nous aujourd'hui. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Je pense que Nathalie a une très bonne idée de proposer ce sujet dont nous nous sommes emparés les organisateurs scientifiques. En le déclinant évidemment au-delà du XVIIIe siècle. Voilà. Oui, c'était un extrait de la Révolution, de la Déclaration d'indépendance, mais on n'allait pas faire un congrès des 50 ans simplement autour de la Déclaration d'indépendance quand même. Alors tout de même, cette Association française d'études américaines, elle a la particularité de rassembler tous les américanistes ou beaucoup d'américanistes français. Il n'y a pas que des historiennes et des historiens dans cette association. Tout à fait. Depuis les origines, elle rassemble à la fois des spécialistes de littérature américaine, d'histoire américaine, mais aussi, dans les origines, il y avait un certain nombre de géographes. Aujourd'hui, il y a quand même un bon nombre de politistes, de spécialistes de politique américaine, de politique étrangère et donc de questions économiques contemporaines. Voilà. Donc le spectre disciplinaire de de l'association est assez large. Et donc, voilà. Et ce qui explique que dans cette manifestation qui dure plus de 3 jours à Strasbourg pour vos 50 ans, vous avez rassemblé des spécialistes de toutes les spécialités autour d'un thème aussi vaste que la recherche du bonheur, Marie-Jeanne Rossignol. Voilà, nous avons trouvé que c'était une idée finalement joyeuse et qui pouvait rassembler un grand nombre de membres de l'association. Et si on regarde le programme du colloque, il y a des ateliers très divers sur la danse en Amérique, l'éco-critique en Amérique, l'environnement en Amérique, mais aussi l'histoire américaine. Il y a un certain nombre d'ateliers sur l'histoire quand même. Oui, par exemple, dans une heure à peu près, un peu plus d'une heure, il y aura un atelier sur les Américains LGBTQ, donc LGBT et queer, donc encore à la recherche du bonheur. Il y aura aussi l'éco-critique, ça sera juste exactement en même temps, entre 10h et 12h30, et puis sur la question des entreprises américaines font-elles le bonheur, c'est une question évidemment qui mérite d'être posée, ou encore les rapports ambivalents dans l'Amérique des marges, l'alimentaire comme principe ou métaphore de la recherche du bonheur dans la littérature américaine. Donc des dizaines de chercheurs qui se rassemblent à cette occasion-là. J'imagine que cette occasion est aussi importante après une élection comme celle de Donald Trump. Il y a des discussions en dehors de ces tables rondes qui doivent se dérouler sur la façon dont le nouveau gouvernement américain envisage justement cette question de la recherche du bonheur, Marie-Jeanne Rossignol. Oui, tout à fait. La communauté des américanistes a été très mobilisée autour d'abord de l'élection, du processus électoral, et maintenant elle commente énormément ce qui se passe depuis. Et c'est pour ça que le thème de l'environnement va être... Tout à l'heure, je vais partir, moi, assez rapidement pour aller prononcer les mots d'ouverture avec mes collègues. Et le thème de l'environnement sera au cœur de notre petite allocution, puisque clairement nos collègues militent pour une Amérique verte et nous allons rappeler que nous sommes très inquiets des déclarations du président Trump. Donc voilà, on discute beaucoup de ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. Même les historiens parmi nous, il y a toujours un lien entre le passé et le présent de l'Amérique. Et on va le voir effectivement, parce que ces questions effectivement de naissance de la démocratie américaine au XVIIIe siècle ont encore des conséquences aujourd'hui, puisque par exemple, on sait qu'on plane toujours dans l'espace américain ces temps-ci la question de la procédure d'impeachment, et que cette procédure, en tout cas, peut être mise en œuvre par le Congrès et donc la Chambre des représentants et par le Sénat, et que cela est peut-être dû justement à ces racines de la période des Lumières, ces racines de la démocratie américaine. Alors, restez encore avec nous, puisque vous êtes tout de même spécialiste aussi de cette période, Marie-Jeanne Rossignol, même si vous devrez partir d'ici quelques minutes, en l'occurrence. Élise Marienstrass, vous êtes à côté de Marie-Jeanne Rossignol à Strasbourg. Oui, oui, depuis longtemps d'ailleurs, des années. Voilà, et donc vous êtes une des grandes spécialistes de ce 18e siècle américain. Je citais effectivement ce livre qui avait fait beaucoup de bruit, en tout cas qui nous avait beaucoup intéressé quand il était paru, je crois que c'était au milieu des années 80. Nous, le peuple, un peu plus tard, c'est ça ? 88, non, c'est ça ? C'était en 88, voilà. Après un premier livre qui avait aussi intéressé, qui s'appelait « Les mythes fondateurs de la nation américaine » et qui célébrait d'une certaine façon le bicentenaire de la Révolution, puisque c'était en 76. Effectivement, 1976. Et donc, maintenant, je fais une sorte de synthèse entre ces travaux que j'ai menés pendant des années. Ce texte, ce titre que vous avez donné à votre livre en 1988, c'était « Nous, le peuple, les origines du nationalisme américain ». Il plonge justement dans ces années qui précèdent la Révolution américaine, des années extrêmement agitées. On va en parler avec vous dans un instant, mais on va peut-être donner tout de suite la parole à Lison Pinet, qui va nous lire un extrait de texte que nous avons donc retrouvé dans votre livre, que vous avez traduit pour cette publication. Et ce texte, en l'occurrence, il est signé Novanglous. Novanglous, c'était le nom de plume de John Adams. C'est en 1774. Il fait paraître le texte que nous écoutons et nous allons le commenter directement avec vous, Élise Marienstrass. La question devrait être de savoir si nous formons une partie du royaume de Grande-Bretagne. C'est le seul langage que connaissent les lois anglaises. Nous ne sommes pas une partie du royaume anglais, royaume ou état. Et par conséquent, le pouvoir suprême du royaume n'est pas, d'après ses principes, notre pouvoir suprême. Dire que le pouvoir souverain de l'Amérique s'incarne dans les hommes qui représentent au Parlement la propriété des Américains est un affront, car il n'y a pas une acre de terre américaine qui y soit représentée. Il n'y a pas de bien américain au Parlement. Voilà donc pour ce texte donc signé sous le pseudonyme de Novanglus. Donc c'était John Adams, un des pères de la Révolution américaine, qui écrivait cela en... Et futur président, effectivement, en 1774. Et ce texte est très dur. Il participe d'une série de textes du début des années 1770 qui marque, dites-vous, dans Nous le peuple, Élise Marienstrasse, un moment de bascule, pourrait-on dire, parce que jusqu'à cette époque-là, expliquez-vous, eh bien, beaucoup de ceux qui vivaient sur le sol américain se contentaient de cette tutelle lointaine, mais très ferme tout de même, de la couronne britannique sur eux-mêmes. Et puis progressivement, après la guerre de 7 ans, expliquez-vous, eh bien, ils se sont rebellés, ils ont commencé à se liguer, en particulier à cause de plusieurs actes fiscaux qui ont été décidés par le Parlement britannique et la couronne britannique, qui les ont mis en colère. Et effectivement, ils ont commencé à dire que cette terre qu'ils occupaient n'avait rien de britannique, mais c'était une terre proprement américaine, Élise Marienstrasse. Oui, 1774, ce sont les premiers pas de la Révolution. C'est le moment où, d'un côté, c'est intéressant, Adams et Jefferson, qui a été le troisième président, ils sont devenus très amis dans la fin de leur vie, mais ils étaient antagonistes à cette période. Mm-hmm. Et donc, ils ont une attitude vis-à-vis de la couronne anglaise qui est contradictoire d'une certaine façon. D'un côté, en effet, l'un et l'autre sont décidés en 74 parce qu'il y a eu des actes, des lois dans le Parlement qu'on a appelé « intolerable acts », c'est-à-dire des lois intolérables qui ont été très gravement, qui ont porté atteinte gravement à l'autonomie, d'une certaine manière, des colonies. Donc en 74, c'est presque la rupture. Et Adams alors dit en effet que le Parlement britannique étant représentatif, non pas du peuple, mais des possédants, ce Parlement n'a plus le droit de légiférer pour des Américains dont qui ne sont pas représentés véritablement dans ce Parlement. Oui, la question de la représentation est là cruciale. Tandis que Jefferson est sur un autre registre qui est très intéressant aussi, et il écrit un texte pour l'Assemblée de Virginie où il siège et qui doit partir au Parlement. Et dans ce texte, il énonce les raisons pour lesquelles les Américains sont en réalité une nation. Et là, la liberté des émigrés en Amérique, enfin des anciens colons, leur liberté est proclamée entière. Liberté individuelle, liberté de se déplacer, liberté de choisir sa patrie. C'est une, excusez-moi d'être un peu longue là-dessus, parce que c'est une affirmation qui est tellement présente aujourd'hui, qui a tant de sens, de poids, vraiment, moi je ne cesse de revenir à ce discours qui m'a enthousiasmée quand je l'avais découvert. Et donc, Jefferson, avant la déclaration d'indépendance, prononce déjà le droit à l'indépendance de gens qui ont émigré, qui se sont implantés, qui ont développé, qui ont acquis des terres, et tout cela indépendamment de ce qui se veut en Angleterre. Donc, on est américain, on n'est plus anglais. Avec une relation très bizarre qui s'était établie depuis quelques dizaines d'années, avec une façon de parler de l'Angleterre qui, comme dans le texte que va nous lire dans un instant Lison Pinet, est une relation maternelle, mais d'une mère acariâtre. Oui, ça c'est vrai. Il y a quantité de métaphores. C'est un journaliste, écrivain gay, plein d'humour et en même temps très sérieux. Donc, les termes de paternité, en fait, sont des termes très sérieux. C'est la relation de souveraineté d'un roi qui est père de ses sujets. C'est dans ce contexte, c'est dans cette relation que vit le roi en son parlement en Angleterre. Alors, on écoute Lison Pinet qui nous lit un extrait d'un texte de Benjamin Franklin. Nous avons une vieille mère qui est devenue acariâtre. Elle nous rabroue comme des enfants qui commencent à marcher. Elle oublie que nous avons grandi et que nous avons l'âge de raison. Si nous n'obéissons pas à ses ordres en toutes circonstances, elle se fâche, elle gronde, elle perd toute patience et parfois elle nous gifle en pleine face. Ses ordres sont parfois si étranges que nous suspectons que l'âge a obscurci son intellect. Et pourtant, à une vieille mère, on doit le respect. Voilà un texte très ironique, Élise Marienstrass, qui montre aussi effectivement qu'il y a là une relation qui se distend progressivement pendant quelques dizaines d'années au cœur du XVIIIe siècle avant de devenir une véritable volonté de rupture que nous avez présentée tout à l'heure, Élise Marienstrass. Oui, en effet. Et au fond, Franklin a beaucoup d'humour, mais en même temps, il est très réaliste et très versé également dans la politique, dans la philosophie. Et cette relation maternelle, c'est bien ainsi qu'on la comprend encore dans les relations d'un patriote vis-à-vis de sa patrie. Mmh. Et le républicanisme qui sortira de là dans la conception que le peuple n'est pas un dépendant du gouvernement, mais qu'il en est le fils, qu'il y a cette relation qui est une relation très importante, très charnelle presque, des citoyens avec leur parlement, leur gouvernement. Alors évidemment, quand on parle de cela et quand on parle de ce moment où on voit monter dans les années 1760 et 1770 cette volonté d'abord d'autonomie puis ensuite d'indépendance de ces colons américains, on se pose la question de savoir quel est ce peuple en l'occurrence. Est-ce que ce peuple, c'est tout le peuple? Est-ce que c'est toute la communauté de ceux qui vivent de l'autre côté de l'océan Atlantique et qui sont sous la tutelle de la couronne britannique, ou est-ce qu'il va falloir faire un choix dans ce peuple? C'est une des questions que vous posez aussi, Élise Marienstrass, dans votre livre « Nous, le peuple ». Évidemment, le peuple, c'est presque une métaphore. Les femmes ne font pas partie des électeurs, de ceux qui s'activent dans la vie politique. Les esclaves noirs sont déclarés non citoyens dans la Constitution parce qu'ils ne sont pas libres. C'est donc, on tourne sur soi-même. Et le troisième côté du triangle de cette population américaine, c'est-à-dire les autochtones, ceux qui sont là depuis toujours, qui sont de droit propriétaires pratiquement du continent, ceux-là sont d'une autre civilisation, ou beaucoup mieux, ils ne sont pas civilisés, ils sont sauvages, et donc ils n'ont aucun droit à participer à la nation même américaine. Donc, suffrage évidemment restreint, comme c'est le cas à l'époque un peu partout. Il n'existe pas de démocratie à cette époque. Et la République et la relation du peuple à la Constitution, c'est une fiction. Mais c'est une fiction qui a un poids juridique et un poids historique. Je ne sais si Marie-Jeanne Rossignol est encore à côté de vous avant de rejoindre le congrès. Elle va vous dire au revoir. Voilà. Mais un dernier petit mot, Marie-Jeanne Rossignol. Vous êtes spécialiste, vous, des discours en particulier anti-esclavagistes, oui. Plutôt au début du 19e siècle. Cette question de l'esclavage, s'est-elle posée, a-t-elle même été mise sur la table au moment de la Révolution américaine elle-même, ou est-ce qu'il faut attendre plus tard pour que cela devienne un discours, une discussion, justement, pour savoir qui constitue le peuple, et en particulier si ces esclaves font partie de près ou de loin de ce peuple américain qui tente de se libérer du joug britannique? La question a été posée justement pendant les deux décennies précédant la Révolution, mm-hmm. puisque les Quakers de Pennsylvanie, qui étaient un groupe majoritaire dans l'État, dans ce qui n'était qu'une colonie à l'époque, se sont mis à libérer leurs esclaves tout en produisant de la littérature anti-esclavagiste largement répandue. Donc c'est un modèle d'ailleurs qui a été largement commenté par aussi bien Diderot que d'autres penseurs français dans les années 1770 et puis 1780. Ce modèle étant mis sur la table, les révolutionnaires nord-américains n'ont pas négligé cette question de l'esclavage. Parce que l'idéologie des droits de l'homme qui émerge au moment de la Révolution américaine est indissociable d'une réflexion sur la présence d'esclaves qui sont peu nombreux au Nord, 1 à 2% dans certains États, dans certaines colonies, jusqu'à 10, 12% dans la colonie de New York. C'est surtout dans le Sud, évidemment, qu'ils sont présents. Mais tout le monde est bien conscient que c'est un problème. Et pendant la Révolution elle-même, les États du Nord vont prendre progressivement, et de façon quand même assez différente d'un État à l'autre, ils vont prendre la décision d'abolir l'esclavage, essentiellement de manière graduelle. Donc la question de l'anti-esclavagisme en tant que menant à des décisions politiques, voilà, la question d'un discours qui va mener à des décisions politiques, elle est posée au moment de la Révolution américaine. Les années qui vont suivre sont des années où le débat va devenir beaucoup plus complexe, en particulier au moment de la rédaction de la Constitution, on connaît très bien les débats de la Constitution, puisque Madison avait pris des notes très, très détaillées, mm-hmm. qui ont été révélées beaucoup plus tard. La question de l'esclavage est une des questions fondamentales des débats constitutionnels. Voilà. Et à ce moment-là, on prend la décision de ne pas inscrire nommément le terme esclavage dans la Constitution. On use de toutes sortes de prétéritions pour maintenir la possibilité de l'esclavage. Voilà, la Constitution est un mauvais moment par rapport au moment révolutionnaire qui, lui, avait ouvert la porte à la libération des esclaves. Mais et sur ces bonnes paroles, je suis vraiment obligée de partir. Quittez-nous, voilà, Marie-Jeanne Rossignol, pour rejoindre le congrès de l'Association française d'études américaines que vous avez co-organisé et qui se tient à Strasbourg, où vous vous trouvez avec Élise Marienstrasse. Alors, c'est vrai que cette période est extrêmement intéressante et vous nous montrez dans vos travaux, Élise Marienstrasse, combien il y a de possibilités qui se referment à un moment, en particulier d'une révolution populaire dans les années 1774. Il y a peut-être des possibilités qui ne vont pas advenir à la suite avec une reprise en main du courant, en particulier des Whigs. Donc, vous l'expliquez dans votre livre « Nous, le peuple ». C'est un moment intéressant parce que c'est un moment de tremblement, pourrait-on dire. On a conscience qu'on est en train de renverser un pouvoir ancien et qu'on est en train d'inventer un ordre nouveau, Élise Marienstrasse, à ce moment-là. D'un côté, oui, on crée un pouvoir nouveau et l'idée fondamentale que tout homme a droit à la liberté et à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, qui a été inscrite par Jefferson dans la Déclaration d'indépendance, cette idée fondamentale va trouver beaucoup de difficultés pour s'appliquer dans l'ordre nouveau qui va se créer. Dans cet ordre, il y a quand même une prolongation de l'ordre ancien. Les colons qui font la révolution, qui la dirigent, sont évidemment au nord des gens qui n'ont pas ou presque pas d'esclaves, mais qui sont des grands marchands, qui sont une élite, cette élite ne veut pas perdre ses droits après la révolution. Au sud, les planteurs fondent la base de leur richesse, l'instrument plutôt de leur richesse, sur les esclaves. Et il y a donc des problèmes même de propriété qui se posent. Les termes de Locke, de John Locke, suivant lesquels tout homme a droit à un droit de nature, à la vie, à la liberté et à la propriété, ce terme-là a effectivement été modifié par la poursuite du bonheur, par Jefferson, parce que pour lui, la propriété, c'est une partie de l'ordre nouveau, mais cet ordre nouveau qui doit s'appuyer quand même sur une société qui s'est déjà établie en Amérique et qui a pris une sorte d'autonomie. Et alors évidemment, une question se pose, c'est quelles institutions pour ce pays en train de se libérer de sa tutelle britannique ? C'est une question que pose par exemple en 1775 Alexander Hamilton. Oui, vous avez un texte là ? Oui, on a un texte, on l'écoute, Élie-Marie Strasse. Je vous le laisse passer. En admettant que le roi de Grande-Bretagne ait été mis sur le trône par un acte du Parlement, et qu'il soit le roi d'Amérique parce qu'il est le roi de Grande-Bretagne, l'acte du Parlement n'est pas pour autant la cause effective de sa royauté sur l'Amérique. Ce n'en est que l'occasion. Il est le roi de l'Amérique par la vertu d'un contrat entre nous et les rois de Grande-Bretagne. Ces colonies furent créées et établies par des dons et sous la protection des rois anglais qui formèrent des pactes avec nous, en leur nom, au nom de leurs héritiers et de leurs successeurs. Et c'est de ces pactes que résulte leur devoir de protection et notre devoir d'allégeance. On voit bien, effectivement, dans un texte comme celui-ci, ce texte de Hamilton, en l'occurrence, Élise Marienstrasse, effectivement, qu'il y a un moment où on se demande si on va garder le roi comme une personnalité tutélaire et un peu lointaine, mais si on va se séparer des institutions qui sont les institutions politiques de la Grande-Bretagne de cette époque-là. Cette question va être assez vite réglée dans les années 1775-1776, en l'occurrence, Élise Marienstrasse. Mais c'est une question qui se posait encore à la veille même, au moment où se déclenche la Révolution américaine. La question des institutions est essentielle, parce que ce que l'on crée en 1776, au moment de la rupture véritable avec la Grande-Bretagne, la guerre est déjà déclarée, ce que l'on fait à ce moment-là, c'est quand même aussi de rompre donc avec les anciennes institutions, c'est-à-dire qu'on crée non pas seulement une nation, mais un État-nation. L'État-nation a besoin, en effet, d'institutions législatives, exécutives, judiciaires, et ceci se pose dans chacune des 13 colonies qui font la Révolution. Seulement chacune de ces 13 colonies a été créée, en effet, par des dons, des chartes royales, mais aussi, elles ont, dès qu'elles se sont implantées sur le sol américain, chacune de ces colonies a développé, dans le passé, ses propres institutions. L'Assemblée législative de Virginie date de 1619. Ah oui. Et cette Assemblée est dirigée et composée d'élus qui sont les grands propriétaires de la Virginie, et de génération en génération, d'ailleurs ce sont les mêmes familles qui envoient leurs délégués à cette assemblée. Donc il y a déjà une société constituée et une société instituée. Vous voulez dire que avant de se séparer de la couronne britannique, il y a déjà des institutions qui sont en place sur le territoire américain, que ces institutions fonctionnent et qu'on va leur donner progressivement le rôle d'institution d'un État-nation, alors qu'elles ne sont alors que les institutions d'État qui sont déléguées donc de la part de la couronne britannique sur le territoire américain. C'est ce que vous voulez dire, Élise Marienstrasse. Exactement. Le grand problème qui se pose au moment où on se coupe avec le Parlement et la monarchie, ce grand problème est celui de la diversité de ces assemblées d'une colonie à l'autre, d'une ancienne colonie à l'autre. Le grand problème, ce sera non pas faire 13 petits États-nations, mais faire un État-nation. Et c'est cela qui va constituer les débats, mais vraiment très durs, pendant les années qui séparent l'indépendance, la déclaration d'indépendance et l'établissement d'une constitution. Il se passe 13 ans pendant lesquels cette nouvelle nation est fondée sur une constitution bâtarde qu'on appelle les articles de la Confédération et qui donne à chacun des nouveaux États une souveraineté c'est un système vraiment bâtard. Chaque État a sa souveraineté et en même temps il y a un gouvernement fédéral qui recouvre le tout. C'est une forme de fédéralisme qui est une question qui se pose encore aujourd'hui en Europe. Donc vous voyez, nous sommes à la fois dans le passé et le présent. Alors, puisque vous évoquez la déclaration d'indépendance des États-Unis, un extrait de cette déclaration qui date, je le rappelle, du 4 juillet 1776, nous est lu par Lison Pinet. Lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation. Nous tenons pour évidente, pour elle-même, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits. Et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères. Et l'expérience de tous les temps a montré, en effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations tendant invariablement au même but marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir par de nouvelles sauvegardes à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces colonies, et telle est aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leur ancien système de gouvernement. L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces États. Voilà donc pour ces extraits de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, Elise Marienstrasse, qui montre bien effectivement que, eh bien, c'est un effort que de se séparer des anciennes institutions, qu'il est difficile de se séparer de ces anciennes institutions. Vous nous expliquez qu'il y avait des institutions sur le territoire américain avant cette séparation progressive d'avec la mère de la Grande-Bretagne, qui était la Grande-Bretagne pour ces territoires, ces colonies américaines. Mais, en l'occurrence, comment invente-t-on, par exemple, une autre chambre que la Chambre des Lords, puisqu'on se veut une république et que cette république, évidemment, n'a pas d'aristocratie? Comment va-t-on faire pour pouvoir imaginer ce système bicaméral que nous connaissons aujourd'hui, où il y a une Chambre des représentants et un Sénat, et leur donner à chacune de ces chambres un rôle différent, Elise Marienstrasse? Alors ça, c'est en effet une invention, le Sénat. Il y aura donc dans la Constitution, au deuxième chapitre de la Constitution, toute une élaboration d'un système législatif à deux chambres. Donc il y a quand même un certain souvenir d'institutions qui ont duré très longtemps en Grande-Bretagne, qui existent encore, et qui semblaient les plus aptes à représenter le peuple d'une manière un peu fictive, mais à être véritablement le lieu de la souveraineté de la nouvelle nation. Donc on invente d'un côté une Chambre des représentants et en même temps un Sénat qui, alors là la définition a été donnée par Washington, c'est peut-être une anecdote inventée, en tout cas elle est bien connue, Quelqu'un a demandé à George Washington pendant la rédaction de cette constitution, mais qu'est-ce que vous avez besoin de cette deuxième chambre qui est, et Washington a dit, mais quand vous buvez votre thé dans une tasse, vous versez bien d'abord, c'est ce qu'on faisait à l'époque, vous versez bien d'abord votre thé dans la soucoupe pour la refroidir. Eh bien, le Sénat, c'est la soucoupe de la tasse de thé. Et en effet, pour le Sénat, les règles font que les sénateurs sont des hommes d'abord plus âgés que les représentants. Il y a un âge minimal pour être sénateur. Ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux et ils représentent, et ça c'est très important aussi pour la conception de l'État-nation américain, ils représentent et à égalité chacun des États qui étaient alors 13 au moment de cette constitution, mais qui vont devenir plus nombreux, et chaque État a à égalité avec les autres deux sénateurs qui refroidissent le thé, en quelque sorte, qui a été préparé par l'Assemblée législative qui fait en premier les lois. Ensuite, on envoie ces lois au Sénat, comme c'est souvent le cas dans la plupart des démocraties d'aujourd'hui. Voilà la double institution qui est créée dès la Constitution, avec énormément la rédaction de cette Constitution. On la connaît maintenant, on en connaît les débats par James Madison qui prenait des notes très très sérieuses à chaque fois, mais aussi par des gens qui ont noté peu à peu et de façon officielle, qui ont noté les débats. Et donc, il y a plusieurs volumes de ces débats pendant les quelques mois qu'a duré la rédaction par l'ensemble des représentants des colonies pour faire une constitution. J'ajoute, je suis un peu long, mais il est important de noter que avant la rédaction de ce qui est maintenant, qui n'a pas changé sauf des amendements, de la même constitution depuis donc 1787, il est important de savoir qu'il y a eu une première constitution avant celle-ci, et que cette première constitution, sous le nom, comme je disais tout à l'heure, d'article de la Confédération, avait d'abord été absolument indispensable pour mener la guerre d'indépendance qui a quand même duré plusieurs années, et ensuite pour organiser le nouvel État-nation. Cet article de la Confédération faisait une grande place à la souveraineté de chaque État, je crois l'avoir déjà dit. Mais c'est bien une première constitution, et on dit parfois que c'est sous une forme de coup d'État qu'on a nommé, on a élaborer une deuxième constitution en disant que la première ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de pouvoir central fort. Merci. Donc, la question, je termine, la question de la force de cette deuxième constitution, c'est le fait qu'elle a créé un pouvoir fédéral souverain par-dessus les pouvoirs séparés de chacun des États. C'est une vraie question, effectivement. Nous avons en studio avec nous Iris Derotte, qui était avec vous hier, avec tous les participants à ce congrès de l'Association française d'études américaines. Elle fait partie des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en ce domaine, puisque vous êtes en train de mener votre thèse en civilisation américaine sous la direction de Bertrand Van Rienbeck à l'Université de Paris 8, et que vous vous intéressez à un personnage, François-Jean de Châtelus, qui était un noble français, philosophe des Lumières, qui a participé justement à cette guerre d'indépendance américaine sous les ordres de Rochambeau. Il était major général dans l'armée française sous les ordres de Rochambeau pendant cette guerre d'indépendance américaine. Mais vous avez retrouvé, grâce à la famille des descendants de ce François-Jean de Châtelus, une immense correspondance qui est très intéressante, parce qu'il a une correspondance à la fois avec des philosophes français de l'époque, comme Voltaire ou D'Alembert, mais aussi avec les grands-pères de la Révolution américaine, que sont Washington ou d'autres personnes comme Jefferson, qu'il a beaucoup rencontré d'ailleurs quand il était à Paris, Jefferson. Et donc ce personnage, Iris de Rhodes, permet aussi peut-être de rompre ce que nous avons fait depuis le début de l'émission, c'est-à-dire ce couple britannico-américain, donc en faisant rentrer dans le jeu aussi la philosophie des Lumières françaises, en l'occurrence Iris de Rhodes. Oui, en effet, François-Jean de Châtelut était donc, faisait partie des personnes qui fréquentaient les salons à Paris. Et bien sûr, les événements en Amérique résonnaient énormément à Paris, car c'était vu par certains comme un vrai modèle opposé à l'ancien régime, donc contre le roi absolutiste, et donc un nouveau système républicain qui se présentait à l'autre côté comme une forme de expérience nouvelle. Donc c'est très intéressant ici à Paris. Et donc les philosophes des Lumières voyaient ça comme un nouveau modèle. Et surtout, bien sûr, il y avait beaucoup de débats entre les philosophes français et aussi les Américains, parce que les philosophes français pensaient à un autre type de système. Et donc en Amérique, c'était fait. Donc il y a eu beaucoup de correspondances, en effet, entre le personnage que j'étudie, qui s'appelle donc François-Jean de Châtelut, car lui était en Amérique en tant que général de l'armée française. Et il a rencontré beaucoup de ses pères fondateurs. Et donc, quand il était là-bas, il a bien sûr parlé de ce que lui avait entendu, surtout dans les salons à Paris. Et il y avait donc les débats, comment construire cette nouvelle nation et comment faire, surtout sur les questions d'égalité ou de liberté ou de commerce, etc. Et dans cette correspondance que vous avez donc consultée pour votre thèse que vous êtes en train de rédiger, Iris de Rhodes, sous la direction de Bertrand Van Rienbeek, dans cette correspondance que vous avez donc consultée, est-ce qu'il y a justement des questions, pourrait-on dire, d'ingénierie démocratique, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de la façon dont pourrait fonctionner cette nouvelle démocratie américaine, et peut-être des tensions, des débats, des discussions avec les pères de la Révolution américaine? Est-ce que vous avez noté justement entre ce philosophe des Lumières qui était François-Jean de Châtelut mais qui était aussi un homme de guerre, des dissensions ou des discussions avec les pères de la Révolution américaine sur les façons de faire fonctionner les institutions en particulier? Oui, alors la façon de faire fonctionner les institutions, ils n'en parlent pas forcément dans les correspondances, mais ils parlent par exemple beaucoup de l'esclavage et la question quoi faire avec cette grande question. Et par exemple, Jefferson écrit à Châtelut qu'il ne veut pas en parler trop, parce que c'est un sujet qui est trop dangereux, qui va forcément diviser les différentes colonies, et donc il ne veut pas en parler. Donc il écrit ça un peu en secret, que c'est un sujet bien sûr très important, qu'il aimerait aborder, mais il sait que ça va créer des problèmes. Et sur d'autres questions, par exemple sur le commerce, il y a eu beaucoup de questions aussi, comment organiser éventuellement après une guerre le commerce avec l'Europe, comment installer des nouvelles formes de coopération commerciale, donc surtout avec la France et l'Amérique, dans lequel Châtelut croit beaucoup sur le progrès des nations en général après. Donc il y a des discussions, mais sur la vraie démocratie, Châtelut ne parle pas trop. Ouais. Sur ce point, tout de même, Élise Marienstrass, cette question du commerce, on ne l'a pas abordé avec vous tout à l'heure, mais c'était une question centrale de cette révolution américaine, les taxes, la possibilité de la liberté de commercer, donc justement sur l'Atlantique, toutes ces questions-là, c'était des questions centrales qui étaient beaucoup plus importantes qu'on ne peut l'imaginer dans cette révolte devenue révolution, Élise Marienstrass. Ça a deux faces. D'une part, le commerce, c'est la raison même de la colonisation, la première colonisation au début du XVIIe siècle. Donc, c'est là-dessus que se sont fondées les colonies, c'est là-dessus qu'elles vont prospérer, c'est là-dessus que s'installe toute la société des différentes colonies et plus tard des différents États américains. Donc, et surtout dans le Nord, au Massachusetts, au Connecticut, etc., on construit des navires et sur ces navires, on fait voyager d'une part des personnes et d'autre part des marchandises en très grande quantité, puisqu'il s'agit de colonies, de colonisation. C'est le principe qui est encore valable aujourd'hui. La colonisation, c'est l'exploitation des matières brutes dans les pays neufs, dans ce qu'on vient de découvrir, pour la transformation dans les anciens pays. Donc le commerce est au centre vraiment de la société des colonies américaines. Donc les taxes que met l'Angleterre à ce commerce et qui va vraiment lui porter préjudice sont absolument intolérables. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est que c'est l'origine qui impose des taxes. Pourquoi le Parlement anglais se permet-il d'imposer des taxes, dont des taxes intérieures, non, c'est-à-dire des impôts? Comment le gouvernement de Londres impose-t-il des impôts à des gens qui s'estiment maintenant tout à fait souverains, c'est-à-dire maîtres de leurs impositions eux-mêmes? Ah, et l'activité des assemblées dont on parlait, d'abord, elle est effectivement de fixer et de lever des impôts sur la population locale. Et oui, avec la fameuse... Donc c'est une violation de la souveraineté des colonies. Bien sûr, avec la fameuse phrase, effectivement, « No taxation without representation ». Je parle très très mal l'anglais, mais vous l'avez... C'est une taxe. Voilà. Et ça, c'est une taxe, c'est une phrase anglaise qui est reprise en Amérique. C'est avec le langage des Anglais lorsqu'ils étaient en révolution que les Américains font eux-mêmes leur réponse. Oui, c'est ça, retourner le stigmate, en l'occurrence. Une des questions très intéressantes que vous abordez dans votre travail de thèse, Iris de Rhodes, c'est le regard que porte justement ce marquis français de Châtelus quand il se rend aux États-Unis, parce qu'il prend des notes, des dizaines de notes. Il écrit surtout beaucoup à sa femme, qui restait en France à ce moment-là. Et grâce à ces lettres qu'il envoie à sa femme, il compose en 1786, donc avant la Révolution française, ça n'est pas l'œuvre de Tocqueville, évidemment, mais un voyage en Amérique septentrionale qui est une réflexion aussi sur ce qu'est ce pays en train de se révolutionner, en train de devenir indépendant. Qu'est-ce qu'il en dit de ce voyage en Amérique septentrionale et de ce regard qu'il porte sur ce qui est en train de naître de l'autre côté de l'Atlantique, Iris de Rhodes? Alors, ce qui est intéressant, c'est que avant d'aller en Amérique, il est surtout très positif, il voit une forme d'utopie américaine, donc il croit que c'est vraiment le pays où règne la liberté et la prospérité, etc. Mais quand il arrive, il est un peu déçu parce qu'il y retrouve, parce qu'il voit beaucoup de pauvreté aussi, il voit donc l'esclavage et il rencontre beaucoup de pratiques que lui ne comprend pas, par exemple le fait que tout le monde fait des toasts tout le temps, il trouve ça complètement pas civilisé dans le sens français de la grande civilisation, bien sûr. Donc il rencontre des choses qu'il n'aime pas, mais en parallèle, le plus qu'il voyage, le plus qu'il voit, le plus qu'il devient intrigué, parce qu'il comprend quand même que toutes les conditions, selon lui, qui vont mener à un vrai progrès sont là. Donc il y a une vraie tolérance religieuse, par exemple, il y a beaucoup de liberté d'expression quand même, il y a une forme d'égalité qui en train de s'installer, que lui, il admire. Et donc, surtout, ce qu'il pense, c'est que dans le futur, les États-Unis donc, vont devenir vraiment un pays qui va même surpasser l'Europe dans beaucoup de sujets. Et quel rôle joue-t-il dans la Révolution française? Il meurt juste avant, c'est ça? Oui, il meurt en 88. Donc pas de rôle du tout. On ne sait pas du tout ce qu'il aurait pu penser de ce qui était en train d'advenir en France, justement en écho à cette Révolution américaine qu'il avait à la fois regardé avec un peu de circonspection, dites-vous, Iris de Rhodes, et puis ensuite avec un peu d'admiration, parce qu'il y avait beaucoup d'admiration, en particulier pour les pères de la Révolution américaine. Absolument. Il y a une véritable amitié pour les gens qu'il rencontre. Oui, surtout Jefferson et Washington, pour lui, étaient des très grands héros, même que Washington devient presque un dieu dans ses yeux, parce que dans son voyage, il le décrit vraiment en tant que tel. Jefferson, en effet, est un très bon ami à lui et il se revoit souvent à Paris. Et donc, il les admire énormément et même il va soutenir Jefferson dans une sorte de lutte de rendre l'image de l'Amérique positive, parce qu'il y a une image plutôt négative qui existe aussi en France à l'époque, qui est plutôt une théorie qui est visée un peu contre la colonisation, mais surtout contre la population du Nouveau Monde par les Européens, qui dit que les Européens deviennent dégénérés et donc plus petits en taille, mais surtout en intelligence. Et Jefferson, surtout, quand il vient en France, il se rend compte de ça et il veut transformer cette image. Il fait un peu de lobbying, vous voulez dire, auprès de l'opinion française de ces années-là. Et donc, François-Jean de Châtelus l'aide à faire ce lobbying, en l'occurrence dans les années qui précèdent la Révolution française. C'est ça, il participe à la diffusion des idées sur l'Amérique qui sont donc plutôt basées sur les observations faites en Amérique même, car les images qui circulent en France proposées par Raynal, Buffon et d'autres penseurs sont vraiment basées sur des observations de seconde main, donc ils ne sont jamais allés là-bas. Et donc, Châtelus est allé aux Amériques et il a vu de lui-même et donc aide Jefferson à diffuser une image plus positive. Alors on attend avec impatience la rédaction de votre thèse, ce qui ne saurait tarder, Iris de Rhodes. Quand on sait, pour conclure, Elise Marienstrass, quand on sait l'importance qu'a la religion civique aux États-Unis, on sait que tous les Américains apprennent ce que nous venons de dire et le savent quasi naturellement, pourrait-on dire, grâce aux cours à l'école, mais aussi à tout un tas d'autres manifestations qui se déroulent dans la vie civique américaine pour pouvoir rendre compte de ces prémices de la Révolution américaine. Cette connaissance est intuitive de la part de la plupart des Américains de ce que vous avez raconté depuis le début de cette émission, Elise Marienstrass. Des Américains d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui. Le terme, d'abord, religion civique, je ne voudrais pas trop me vanter, mais je le partage avec quelques autres historiens, mais pas avec le peuple américain. Ce n'est pas ainsi qu'eux-mêmes voient leur nationalisme. Leur religion, c'est l'anglicanisme, le méthodisme, etc. Et à côté, ce que j'ai appelé, ou ce que nous avons appelé plutôt avec quelques autres, la religion civique, certains disent religion civile, ça n'a pas tout à fait le même sens, ça n'est pas, les Américains n'en sont presque pas conscients, parce que cette religion, je l'appelle religion parce qu'elle prend des formes religieuses, mais en réalité elle n'en porte pas le nom officiellement, naturellement, elle est idéologiquement, ce que elle représente à mes yeux comme analyste, c'est le début du nationalisme américain. Et c'est un nationalisme dans le sens fort tel qu'il est conçu en Europe. C'est un nationalisme que la Révolution américaine, qui en principe instaure une république la plus démocratique possible, bien qu'on déteste la démocratie à l'époque, c'est une république qui est d'abord fondée sur l'amour de la nation. Et cette forme de nationalisme va donner lieu par la suite à l'expansionnisme américain qui sera considéré comme un droit, comme le sont les droits individuels. La nation a un droit parce que la Providence a créé une destinée manifeste, c'est le terme qui sera employé dans les années 30, à ce pays qui a droit à s'installer sur tout le continent, etc. Et plus loin peut-être. Merci en tous les cas, Elise Marienstrass. Je suis très heureux de vous avoir reçu pour cette émission à l'occasion donc de ce congrès qui se tient à Strasbourg et auquel vous participez, qui vous rend d'ailleurs hommage, l'Association française d'études américaines. Vous êtes entre autres l'auteur de « Nous le peuple, les origines du nationalisme américain » dans la collection de la Bibliothèque des histoires chez Gallimard, mais également avec Naomi Wolf de Révolte et Révolution américaine en 2005. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible cette émission, à Francesca Fossati, mais aussi à Bruno Gagnère-Fontani qui était à la technique, à Véronique Samouilov qui était à la réalisation et à Lison Pinet qui a lu le texte aujourd'hui, les textes de cette émission. Et puis merci aussi à nos camarades techniciens de Radio France à Strasbourg qui vous ont accueillis dans leur studio.